Magnificence de ses spectacles. Il donna des spectacles de divers genres, des combats de gladiateurs, des pièces de théâtre jouées dans tous les quartiers de la ville, et même par des acteurs parlant toutes les langues, des jeux dans le cirque, des combats d'athlètes, une nomachie. On vit combattre dans le forum parmi les gladiateurs Furius Leptinus, d'une famille prétorienne, et Q. Calpenus, qui avait été sénateur et avocat. Les enfants de plusieurs princes d'Asie et de Bithynie dansèrent la pyrrhique. Au jeu scénique, Decimus Laberius, chevalier romain, joua un mime de sa composition. Il reçut de César 500 sesterces et un anneau d'or. Et de la scène, il alla, en traversant l'orchestre, s'asseoir sur l'un des 14 gradins réservés aux chevaliers. Au cirque, l'arène fut agrandie des deux côtés. On creusa tout autour un fossé qui fut rempli d'eau, et l'on vit les jeunes gens des plus nobles familles faire courir dans cette enceinte des chars à 2 et à 4 chevaux, ou sauter alternativement sur des coursiers dressés à cette manœuvre. Les enfants, partagés en deux troupes, suivant la différence de leur âge, célébraient les jeux appelés troyens. 5 jours furent consacrés à des chasses. Le dernier spectacle fut celui d'une bataille rangée entre deux armées où ils combattirent. De part et d'autre, 500 fantassins, 30 cavaliers et 20 éléphants. Afin d'ouvrir à ces troupes un plus vaste champ de bataille, on avait enlevé les bornes et dressé à leur place 2 camps opposés l'un à l'autre. Des athlètes luttèrent pendant 3 jours dans un stade construit exprès dans le quartier du Champ de Mars. Pour la nomachie, un lac fut creusé dans la petite Caudette, où s'affrontèrent des vaisseaux tyriens et égyptiens, à 2, à 3, à 4 rangs de rames et chargés de soldats. L'annonce de tous ces spectacles avait attiré à Rome une si prodigieuse affluence d'étrangers que la plupart d'entre eux couchèrent sous des tentes, dans les rues et dans les carrefours, et que beaucoup de personnes, entre autres 2 sénateurs, furent écrasés ou étouffés dans la foule.